chronique BD. On attaque avec Elfroide de Jean-Marc Rochette chez Casterman. Jean-Marc Rochette est un auteur qui est connu pour la BD Le Transpersonnage, qui a été adaptée au cinéma il y a quelques années. Et dans Elfroide, il va raconter son adolescence et sa passion soudaine pour l'alpinisme, en même temps que celle du dessin. Et il grandit dans le massif des Écrins. Et avec un ami, il va décider de gravir l'Elfroide, la face nord d'un des plus hauts sommets. Et je n'en dis pas plus pour ne pas dévoiler la suite de cette BD. C'est évidemment très détaillé, très technique au niveau alpinisme, sans pour autant être incompréhensible par un néophyte. C'est vraiment prenant. On suit Jean-Marc Rochette dans ses pérégrinations, dans ses escalades, dans ses ascensions. Et on est stupéfait par la beauté de la nature qu'il arrive à rendre dans son dessin. C'est publié chez Casterman, ça fait à peu près 300 pages, ça coûte 28 euros et ça vient de sortir. Les chroniques BD. Télémaque de Kit Toussaint et Kenny Ruiz, dont le tome 1 vient de paraître chez Dupuis, raconte comment le fils d'Ulysse cherche à retrouver son père une dizaine d'années après sa disparition. Et pour ce faire, il va évidemment quitter sa mère, son mentor, qui s'appelle Mentor en l'occurrence, et ce nom vient de là, et il va fuir à bord d'un petit bateau de pêche, et il va aller vers Pylos, un des autres royaumes grecs qui a participé à la guerre de Troie, dans l'espoir de retrouver la trace de son père. Et avec la princesse de Pylos, Polycaste, il va commencer son grand périple, plein d'aventures très variées. Il va rencontrer par exemple le fils de Polyphème, le Cyclope, avec qui il va sympathiser, mais aussi Zéphyr, un petit vent donné par Éole, le dieu des vents, pour retrouver son père. Alors c'est dans un style de dessin plutôt manga, vraiment beaucoup d'énergie dans le trait, des couleurs très vives. Ça plaira à tous les enfants à partir de, on va dire, 9 ans. Et gros point fort, même si la mythologie, c'est une histoire inédite, là, on a tous les fondements, tout est respecté, et c'est vraiment sympathique comme tout à lire. Télémaque, de Kit Toussaint et Kenny Ruiz, chez Dupuis. Les chroniques BD. Je vais vous présenter une BD, Bone, de Jeff Smith. Bone, c'est l'histoire de Fawn Bone qui s'enfuit avec ses deux cousins de Bonneville. Les cousins Bone, ils ressemblent à des humains, mais en fait, c'est pas vraiment des humains. D'ailleurs, on sait pas vraiment comment c'est Bonneville, mais en fait, on s'en fiche dans l'histoire. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui va se passer dans la vallée, dans laquelle ils vont arriver. Dans la vallée, ils vont croiser des ragarous. Les ragarous, c'est des grosses bêtes poilues, et c'est eux les méchants. Sur leur route, il y aura en particulier un duo de ragarous, plus doués à imaginer leur recette de quiche qu'à vraiment attraper l'ingrédient principal, c'est-à-dire les cousins Bone. Et ouais, Bone, c'est sérieux et pas sérieux en même temps. Les Bone, ils vont croiser aussi les animaux de la forêt avec lesquels ils vont partager leur quotidien. Et puis il y a également la jeune Thorn, dont le passé mystérieux va ressurgir au fil des tomes. Bone, c'est plutôt une tranche de vie, mêlée à de la fantaisie qui se transforme en quête héroïque au fur et à mesure de l'histoire. Ce que j'aime dans Bone, c'est le secret de la vallée confronté à la légèreté des dialogues, la spontanéité de Fawn Bone, la bêtise comique des ragarous et le stoïcisme du dragon. Parce que ouais, il y a un dragon dans Bone, même si les gens de la vallée d'ailleurs n'y croient pas du tout au dragon depuis un moment déjà. Bone, c'est en 11 tomes, c'est une série d'ailleurs qui est finie depuis un moment déjà. Comme je vous l'ai dit, Bone, c'est une histoire qui débute très tranquillement, il faut surtout pas s'arrêter au premier tome. Tous les tomes, les 11 tomes, sont disponibles à la médiathèque de Saint-Nabor. N'oubliez pas que vous pouvez réserver dans n'importe quelle médiathèque du réseau de la Porte des Vosges méridionale, c'est-à-dire Remiremont, Saint-Étienne-et-Remiremont, Dommartin, Éloy ou encore Vecoux. Pour finir sur Bone, les dessins, c'est noir et blanc, limite cartoon, avec des personnages expressifs dans un monde de fantaisie, une vallée pleine de forêts, une époque médiévale, des créatures, des monstres et autres personnages fabuleux. Si vous devez choisir entre une version originale et une version colorisée, prenez plutôt celle en noir et blanc. Ça, c'est plutôt mon avis à moi. Bone, ça a reçu un prix, le prix d'Angoulême de la meilleure BD étrangère en 1996. Une BD plutôt ado-adulte. Et voilà, c'était Bone de Jess Smith. Bonne lecture. Les chroniques BD. Serena de Pandolfo et Risberg chez Sarbacane. On est dans les années 30 aux États-Unis, la Grande Dépression a fait son œuvre, et dans les montagnes des Appalaches, un riche héritier forestier tombe amoureux de Serena, une femme comme il n'en a jamais vue, pleine de volonté, inflexible, et elle va changer la face des Appalaches. C'est adapté d'un roman de Ron Rash, qui est une grande figure du Nature Writing, un mouvement américain qui célèbre les grands espaces. Et Serena, c'est une volonté de fer dans un corps de femme. Elle va plier tout le monde à sa volonté. Alors, elle n'est pas sympathique, certes, mais elle a vraiment un aplomb et une force mentale peu commune. Et c'est par les belles peintures de Risberg qu'on voit cette évolution de personnage hors du commun. C'est un one-shot chez Sarbacane, plus de 200 pages. Alors c'est un destin incroyable et une vision de la nature fantastique que nous offrent Risberg et Pandolfo chez Sarbacane. Serena, adapté du roman de Ron Rash. Les chroniques BD. Connaissez-vous Trondheim ? Non ? Eh bien, c'est le moment de les remédier. Alors Trondheim, en général, c'est de l'humour assez décalé, plutôt loufoque. Attention, même si la plupart de ces personnages sont des animaux, ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas vraiment de la littérature jeunesse. Pour commencer avec cet auteur, vous pouvez commencer avec Bloodsy et ses aventures. Bloodsy, c'est un petit chat noir très mignon. Enfin mignon. Pas tant que ça quand on comprend ce qu'il pense. Comme tous les chats d'appartement, il passe ses journées à ne pas faire grand-chose. Il explore l'appartement, il vit des choses étranges. Son but, survivre dans l'appartement où il est seul, manger, dormir, établir le contact avec l'extérieur et pourquoi pas s'y aventurer. Chaque page se termine sur une chute. Mais l'histoire évolue quand même petit à petit au fur et à mesure des 300 et quelques pages. Pourquoi j'aime Bloodsy ? Eh bien tout simplement parce que j'aime l'humour de Trondheim, assez dur à décrire. Avec Trondheim, les histoires prennent souvent des tournures assez barrées. Ça va souvent loin, plus loin qu'on ne le pense, tout en gardant une certaine cohérence dans l'histoire. Alors qu'à vue d'œil, la vie d'un chat d'appartement, ça a l'air franchement plutôt banal. Bloodsy est disponible à Sanabor, vous pouvez également le réserver à Dommartin, Éloi, Remiremont, Saint-Étienne ou encore Vecou. Vous avez déjà lu Bloodsy et vous avez envie de continuer avec Trondheim ? Alors filez à la médiathèque lire les extraordinaires aventures de Lapineau. Alors avec Lapineau, vous pouvez commencer par n'importe quel tome, mais attention, sauf le tome 8, à lire en dernier. Moi, mes coups de cœur, c'est Walter et Blackton. Je vous en parlerai peut-être, si ça vous intéresse, dans une prochaine chronique des aventures de Lapineau. Mais si vous avez épuisé le stock de la médiathèque Trondheim, alors jetez un œil au Cosmonaute du Futur, Le Pays des Trois Sourires ou encore Mickey Craziest Aventure. Le nom de l'auteur, c'était Lewis Trondheim avec Bloodsy, Bloodzee. Les chroniques BD, à retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Guimauzo, en partenariat avec la librairie L'Octopus. La librairie Octopus, spécialisée bande dessinée, manga, comics et romans de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, à Épinal, 15 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, quartier Gare, ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabor, Vecou, Éloi et Dommartin-les-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer des BD dans n'importe quel site. Vous avez aimé une BD, vous aimeriez partager vos lectures avec les auditeurs ? N'hésitez pas à appeler Radio Guimauzo au 03 29 62 40 40.